Le Comité national nigérian d'études du kim-sunnisme, kim-jong-ilisme a présenté dans son home page d'Internet un article condamnant la stratégie des États-Unis contre la Corée. Il note que la Corée a montré sa grande force par la réussite à l'essai de la première bombe à hydrogène en janvier 2016, bien que les États-Unis ont prétendu l'effondrer au moyen de menaces et chantage nucléaire, des complots des droits de l'homme et même des sanctions. Il ajoute que la stratégie des États-Unis a complètement échoué.